épreuve à surmonter. Oh yo yo, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Chacun de nous veut tutoyer le bonheur, connaître un jour le confort. Donne-toi les moyens d'y arriver, de réaliser tes rêves malgré les épreuves à surmonter. Oh yo yo, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Chacun de nous veut tutoyer le bonheur, connaître un jour le confort. Tu me verras pas courber les chines face à l'adversité. La vie n'est faite que d'épreuves, à nous de pouvoir les surmonter. Faut assumer et confronter la réalité. Dépassons nos craintes afin de pouvoir évoluer. Car dans la vie, non, rien n'est servi sur un plateau. Chaque jour est un freestyle, faut être doué pour l'impro. On a tous nos problèmes, mais à différents niveaux. Faut un moral d'acier pour ne pas finir d'être sous l'eau. Oui, c'est chacun sa chance, sa destinée et son étoile. Avec la grâce de Dieu, la musique nous met au fichal. Pourtant, longue est la route, facile n'est pas le combat. Plus tu t'élèves, plus on veut tirer vers le bas. Déterminé, déterminé. Quels que soient les obstacles, tu dois toujours rester déterminé. Déterminé, déterminé. Plus belle est la victoire après une difficulté. Donne-toi les moyens d'y arriver, de réaliser tes rêves malgré les épreuves à surmonter. À surmonter. Oh yo yo, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Chacun de nous veut tutoyer le bonheur, connaître un jour le confort. On a tous envie de voir un jour nos rêves devenir réalité. On est tous partis en cherchant la lumière pour sortir de l'obscurité. Hey, tout le monde a bien compris que la vie n'est pas rose. Oh, oh, oh, oh. Si elle te met à l'épreuve, bats-toi pour plaider ta cause. C'est clair et j'insiste, garde bien en tête que tout est possible. Maintiens ton but pour cible. Partir de rien, arriver à tout malgré les aléas, soyons forts et solides. C'est ainsi que les choses avancent et nos ambitions ont du sens. On ne peut faire exister nos idées que dans la persévérance. Faut savoir s'impliquer, s'affirmer, s'imposer, se livrer, se donner. Pour voir ses efforts récompensés, hey. Au-delà du temps qui passe, on aperçoit des signes, ça se précise. Voilà que ta pensée se concrétise et tu as su prendre une place. Même si t'es pénalisé, faut savoir rivaliser pour pouvoir réaliser ce que tu as au fond du cœur, ce que tu veux au fond de toi. Hey. Donne-toi les moyens d'y arriver, de réaliser tes rêves malgré les épreuves à surmonter. Oh yo yo, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Chacun de nous veut tutoyer le bonheur. À surmonter. Oh yo yo, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Chacun de nous veut tutoyer le bonheur, connaître un jour le confort. Faut aller de l'avant, même si c'est gras le moment. Donc fais des efforts pour que tous tes projets puissent se réaliser lentement. Mais sûrement, toi-même que tu arriveras au bout de tes plans. Aide-toi, le ciel t'aidera, bouge pour toi. Sinon qui le fera? Donne-toi les moyens, prends-toi en main. Trouve la force, ne recule devant rien. Tous ces facteurs sont généralement à la base de toute réussite. Garde le cap, reste déterminé et fais tout ce que ça nécessite. Donne-toi les moyens d'y arriver, de réaliser tes rêves malgré les épreuves à surmonter. Oh yo yo, ce qui ne tue pas te rend plus fort. Chacun de nous veut tutoyer le bonheur, connaître un jour le confort. Donne-toi les moyens d'y arriver, de réaliser tes rêves malgré les épreuves à surmonter.